De même que le jour, la bête vit dans le corps de l'homme, la nuit, l'homme vit dans le corps de la bête. Je l'ai où le froid réduit tout en éclat. J'ai le mental forgé dans les flammes de l'éclat. J'ai assisté au déclin de l'homme depuis toujours. Il n'a cessé d'en vouloir plus, mais je ne vous parle pas d'amour. Issu de la voix céleste, on me déteste et me fuit comme la peste. Ouais, c'est vrai que l'odeur du sang j'empeste. A chaque brebis égaré, le renne j'encaisse. Mais il en faudra bien plus pour me faire tomber dans leur piège. On dit que l'homme est un loup pour l'homme, mais laissez-moi vous dire qu'à leur différence, on ne se mange pas entre nous, et bande de fous. Vous qui pensiez détenir la vérité, je n'ai jamais ingéré d'humain. J'ai trop de haine à digérer, hein. Même le ciel en pleure et je l'apaise quand je chante des sommets enneigés jusqu'aux campagnes verdoyantes. Quand tu vois aujourd'hui ce qu'ils enfantent, ne te demandes-tu pas laquelle de nos divisions est la plus clairvoyante. Prévenez tous les gens de chez vous, fini l'attente, j'arrive pas seul mais accompagné d'une bande de loups. Le bruit court que les gens de ton cours qu'on plie et brise tout juste en un dé, tout ça les rend fous. Donc prévenez tous les gens de chez vous, que même dans le trou le disque tourne, le fils de loup l'entendez-vous. Je vous donne tous rendez-vous l'hiver prochain, avec les MC qui braveront les glaciers de mon empire lointain. Au loin je chante, ma voix fait trembler la tour du roi. Les gens se terrent comme si des démons dansaient autour de moi. J'ai la panse pleine et les villageois s'en plaignent, chassés de partout pourtant la terre est mon domaine. Les fourches en avant, on m'attraque jusqu'au haut, j'ai vos dents. Contre mes crocs vous ne faites pas le poids, les rangs. J'ai vos dents, on ne fait pas couler le sang pour les mêmes raisons. Moi pour la faim, vous pour votre soif de pouvoir devenu obsession. J'ai le respect de l'autre, ne pratique pas le gaspillage. Je croyais que c'était clair depuis qu'on s'était vu avec Kayla. Mais apparemment pas, et on en paye les frais. Vas-y range toutes tes légendes ou tu oses m'appeler mon frère. Venu te parler en aparté de la Voie lactée. C'est un Maroc, esprit des loups, et ça tu l'as capté. Je passe mon message sans tarder, je me casse, rencardez-moi. Une fois que vous aurez fini de vous entretuer, prévenez tous les gens de chez vous, fini la. J'arrive pas seul mais accompagné d'une bande de loups. Le bruit court que les gens de ton cours qu'on plie et brise tout juste en un dé, tout ça les rend fous. Donc prévenez tous les gens de chez vous, que même dans le trou le disque tourne, le fils de loup l'entendez-vous. Je vous donne tous rendez-vous l'hiver prochain, avec les MC qui braveront les glaciers de mon empire lointain. C'est pour mes fils de loup et ceux qui se méfient de nous. D'office c'est lourd, je crame tout matin, nerveux au fils de four et j'envie tout les amateurs de son à venir faire un tour dans l'antre des ténèbres où ne rentre aucun esprit fou. Tu m'as pris pour un fou, mais chaque mois son sens. Chaque note, chaque sample, chaque prenez trop chante, ouais. Je t'avertis, la meute est prête à se faire entendre. Si t'as le vertige, ne monte pas avec nous dans cette expérience. Prévenez tous les gens de chez vous, fini l'attente, j'arrive pas seul, mais accompagné d'une bande de loups. Le bruit court que les gens de ton cours qu'on plie et brise tout juste en un dé, tout ça les rend fous. Donc prévenez tous les gens de chez vous, que même dans le trou, les disques tournent, le fils de loup l'entendez-vous. Je vous donne tous rendez-vous l'hiver prochain, avec les MC qui braveront les glaciers de mon empire lointain. Prépare le lancement. Prévenez tous les gens de chez vous. Processus enclenché. Pas la peine de s'esquiver. J'ai trop de haine à digérer. Prépare le lancement. Prévenez tous les gens de chez vous. Processus enclenché. Pas la peine de s'esquiver.